ce qui se passe en Normandie. Never fade away, it's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. No room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard, I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. J'aime ce titre, Caigo et Miguel, Remind Me to Forget sur Espace en Normandie et en Picardie sur nos 6 fréquences régionales entre Honfleur et Beauvais. J'adore, je m'emballe un petit peu, mais c'est comme ça, je suis en forme ce matin. En plus, je sais que je pars à Gournay pour la fête de la musique, donc moi je suis super heureux. On vous retrouve ce soir à partir de 19h à Gournay-en-Bray pour une fête de la musique exceptionnelle. Cédric sur la scène, place Alain Carman, et moi sur la scène, place Nationale. Avant ce soir, je vous souhaite une belle journée. Et je vous retrouve surtout tout à l'heure entre 9h et 11h sur Espace Normandie Ouest. Pour l'instant, c'est Cédric qui prend le relais à 6h avec son Morning Light et vos passes Rockin' Hébreux à gagner. Et puis, on se retrouve également dimanche entre 11h et 13h. Soyez au rendez-vous. Allez, belle journée. À tout à l'heure à Gournay si vous êtes avec nous. Et puis, pour les autres, à dimanche 11h et à lundi 4h. Ciao les amis, belle journée. Pardon, je vais y arriver. Allez, salut. fête de la musique et c'est le morning qui débute jeudi 21 juin 2018 en Normandie et en Picardie, 6h, l'actu. L'essentiel de l'actualité, Philippe Fournier. Bonjour, bonjour à tous. Il ne faudra pas compter sur un calendrier de grève précis. Hier en fin d'après-midi, la CGT Cheminots a fait savoir qu'elle appellerait régulièrement à la grève sur les mois de juillet et août, soit en pleine période de vacances d'été. L'organisation syndicale a précisé que les dates de ces séjours d'appel à la grève seront dévoilées au fur et à mesure en fonction de l'avancée ou non des négociations qui doivent avoir lieu sur les suites de la réforme ferroviaire. Réforme qui a été votée le 14 juin donc par les parlementaires. Le chef de l'État était à Saint-Brieuc hier après-midi, plus tôt dans la journée au Cap Fréhel. Il a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec les industriels sur les projets d'éoliennes en mer. Le chef de l'État a évoqué ensuite l'agroalimentaire, la pêche, la culture ou encore la sécurité en mer. Face à la multiplication des critiques autour de la question des enfants séparés de leurs parents sans papier à la frontière américaine, Donald Trump a signé un décret pour mettre fin à ces séparations donc à la frontière. Le plan mercredi a été dévoilé par les ministres de l'éducation, de la culture et du sport. Il est destiné à toutes les communes. Des activités musicales et sportives pourront être financées par la CAF, mais les loisirs proposés devront être de qualité. La scène électro à l'Élysée, des concerts en région, au lieu de celui se tenant d'ordinaire dans le centre de Paris, et un grand événement réunissant Calogero, Chris, Christine and the Queen ou encore Maître Gims à Nice pour cette 37e édition. La fête de la musique explore donc de nouveaux territoires. Le mondial, après un match sans saveur contre l'Australie, remporté 2-1 dans la douleur samedi, eh bien, les Bleus ont l'occasion de se rassurer face au Pérou tout à l'heure à 17h. Danoises et Australiens vont croiser le fer à 14h, tandis que l'Argentine et la Croatie vont s'affronter à 20h. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h-9h. Ce soir, on sera avec vous à Gournay-en-Bray pour deux plateaux. Mais en attendant, on va se réveiller ensemble. Morning Light sur Espace. Et on aura du coup de fil ce matin à 6h25 et 8h25. Du pile ou face de l'info à 7h40. De l'infotrafic à 7h50 et 8h40. De l'actu originale à 8h20. De la pensée positive à 8h08. Et des places pour Rock in Évreux à 7h55. Oui, vous allez peut-être pouvoir aller voir directement sur scène DJ Snake ou encore Feder, Synapson, Assaf Avidan, Catherine Ringer, iPhone, Martin Solveig, Dadju, Kiyo, Bébé Brune. Ça se passe à l'hippodrome de Navarre à Évreux et c'est du 29 juin au 1er juillet et à 7h55, vos accès, votre passe, 3 jours à gagner. Sans oublier Facebook, sans oublier Twitter, sans oublier Instagram, vous allez pouvoir directement choper les petites vidéos que l'on fait quand on fait des émissions à l'extérieur ou alors pourquoi pas aussi des photos, tout ça c'est possible. Allez, connectez-vous, Offenbach Catchy pour bien se réveiller, c'est pas mal.

Bonjour à tous. Après les propos discriminatoires de la responsable du service des adoptions au conseil départemental de Seine-Maritime lors d'un reportage de nos confrères de France Bleu Normandie en début de semaine, Pascal Martin a, à titre conservatoire, relevé de ses fonctions hier l'agent qui avait déclaré que les couples homosexuels, des couples atypiques, devraient se diriger vers l'adoption d'enfants atypiques. Par ailleurs, je vous rappelle qu'une plainte d'association des familles homoparentales a été déposée, un audit externe a été déclenché et Jacques Toubon, le défenseur des droits, s'est aussi saisi de l'affaire. Depuis le début de l'année, le département de l'Eure connaît un afflux considérable de mineurs non accompagnés au rythme de 13 mineurs par semaine. Il s'agit de jeunes de moins de 18 ans privés temporairement ou définitivement de leur détenteur d'autorité parentale sur le sol français, sans autre membre de leur famille susceptible de les prendre en charge légalement. En 2017, 218 jeunes ont été pris en charge dans l'Eure, mais l'augmentation en 5 ans, entre 2012 et 2017, est vertigineuse, plus 1450%. Écoutez, la plus normande des radios. C'est ma radio. You know I like it when your booty good. No, I like it when your booty good. No, I like it when your booty good. You're trying to be all but the way you dance. You're turning me on. It's your body romance. You're turning me on. The way you dance. You're turning me on. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. Ah, so mommy, I'm a. So mommy, I'm a baby Jack Cardio. I'm a baby Jack Cardio. Girl, I'm a wifey, they man them juice. DJ be drop to me and them juice. Big up a lot to me fans them juice. They love them, they like them juice. Girl, I'm a wifey, they man them juice. DJ be drop to me and them juice. Big up a lot to me fans them juice. They love them, turning me on. But the way you dance, you turning me on. Your body romance, you're turning me on. The way you dance, you're turning me on. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. Ah, so mommy, I'm a baby. So mommy, I'm a baby. Jack on you. I'm a baby, Jack. Hey, hey, hey. Turning me on, the way you dance. You're turning me on. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. You're turning me on. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. You're turning me on. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. Espace. Ils étaient nus. Mais ils n'en avaient pas honte. Pas honte. Pas honte. Adam et Eve. Le froid et la neige font qu'ils se retrouvent ailleurs. Adam et Eve. Le serpent et la pomme font se retrouve ailleurs. Ça commence dans l'Éden, paysage de rêve. Adam croque la pomme et il accuse Ève. Elle met tout sur le serpent mais personne tombe dans le piège. Alors il saute du paradis. Moi c'est Ève et lui vie c'est Adam. On est arrivé ici, on ne sait pas comment. Il ne m'a rien donné depuis la genèse. Je ne porte qu'une feuille, je mérite du courage. Adam sans le truc, lui dit reste sage. Tente de la raisonner mais cela foire, dommage. La riposte cogne, la gauche est bonne. La droite le sonne, Adam tombe dans les bords. Le froid et la neige font qu'il se retrouve ailleurs. Le serpent et la pomme vont qu'ils se retrouvent ailleurs. Comme on trouve pas le couple à l'état civil, on les transfère chez des experts qui sont dans la grande ville. Pour savoir s'ils viennent vraiment de l'Éden, on leur propose l'hostie, ils répondent pas de gluten. Le good cop et le bad cop sont vénères. Ils cherchent un annuaire mais y'a plus d'annuaire. Puis ils les laissent partir en leur disant de nachave. On ne voit pas dehors le soir en train de bicrave. Et c'est là qu'ils voient les autos, le métro, le boulot, dodo, la popo qui chasse la popo. Des ados qui vendent la popo, les chaos, des mecs à l'hosto. Des pressions sur les points vitaux, des gogo danseuses à gogo. Des gros lolos pour les gogo, des dollars sur la rigo. Des euros et puis des lingots, des victoires dans des frigos. Disparaître comme des dodos, puis un rame dans des bocaux. Adam veut du Valium, elle voit un médium, puis tombe dans les pommes. Le serpent était le plus rusé. Des vendeurs qui jouent du pipo, des du balance, des serpicots, des créas qui parlent de typo, des sciences po qui font des topos, des plantos au lieu des halos, des karaté capacato, la puissante solo de Bono pour lancer des blagues à toto. Des marins qui mènent en bateau, des kicks et puis des cacatos, des colons qui partent en polo par les eaux, des Marco Polo, y'a des safaris sans photo, d'Atari tue les bonobos, la fille porte un sac en coco, que fait-elle dans la vie veto? Fête foraine avec des colos, les prolos qui perdent l'auto, un cul de jack qui danse le pogo, Monaco veut devenir coco, dit Cliff contre Tito, les colos face à la moco, en finale avec les totos, pénalty, je le tire contre Rinta et basse au togo, révolte des élus locaux et puis des tagas. Patito, détail de guêpe à Bamako, régime à la noix de coco, l'anorexie qui veut l'anneau, un clodo devant le nano, I'm in love with the coco. Le très haut n'était pas loco, dans la pomme y avait l'astico, il boit dans les fonds baptismaux, j'ai pu le revoir à Waco. Dans sa langue, il dit pro domo, voici l'homme, et chez homo, actuellement il est en promo, non nous sommes pas des numéros. C'est du fond, c'est la disco, des propos pour les hauts plateaux, pour ceux qui roulaient en chapi, qui maintenant portent le chapeau. Ils ont vu l'orphelin faire la fête avec la veuve Kiko, ils ont pris les allocs, puis sont partis en hélico. Se retrouve ailleurs. Adam et Ève. Le serpent et la pomme font qu'ils se retrouvent ailleurs. Adam et Ève. Adam et Ève. Le froid et la neige font qu'ils se retrouvent ailleurs. Adam et Ève. Le serpent et la pomme font qu'ils se retrouvent ailleurs. Le serpent et la pomme font qu'ils se retrouvent ailleurs. Adam et Ève. Adam et Ève. Espace. C'était MC Solar, Adam et Ève, et ce dimanche 24 juin, c'est la 9e édition des bouquinistes au bord de la Rille. Vous aimez bouquiner ? Vous allez adorer cet événement. C'est à Montfort-sur-Ille avec la sauce Montfort Culture et Patrimoine. Contactez l'organisation au 02 32 56 35 76. Voyez la journée d'un bon œil avec votre opticien Open Optique, 11 rue Pierre Corneille, aux Andelys. Bonjour, nous sommes le jeudi 21 juin. Bélier, si vous envisagez de faire des achats importants ou de faire une grosse dépense, n'hésitez pas à demander l'avis de quelqu'un en qui vous avez confiance. Taureau, vous allez pouvoir constater que c'est la grande forme pour vous. Vous pourrez facilement vous sortir d'une ornière et inverser la situation grâce à votre seule volonté. Gémeaux, vous ne pouvez que constater que c'est la grande forme pour vous. Vous allez renverser une situation délicate grâce à votre perspicacité. Cancer, vous allez devoir sortir pour voir du monde afin de pouvoir vous distraire un peu. Une aventure peu banale vous surprendra agréablement. Lion, vos sentiments vont évoluer favorablement envers une personne dont vous ne soupçonniez pas l'intérêt qu'elle vous porte. Vierge, vous allez pouvoir vaincre facilement un obstacle imprévu, surtout qu'on vous aide à surmonter cette difficulté passagère. Balance, vous avez besoin d'air pur, il convient de mieux vous aérer. Le grand air aurait un effet bénéfique sur votre morale. Scorpion, vous allez devoir prendre une décision difficile à la suite d'une avance alléchante qui vous sera faite. Sagittaire, vos relations intimes avec les autres vont pouvoir s'améliorer. pourrait pour vous conduire à une plus grande compréhension. Capricorne, vous chercherez à montrer l'exemple dans une affaire que vous pensez extrêmement rentable. Lancez-vous et vous verrez que les autres vous suivront. Verseau, votre anxiété vous fait perdre patience, mais vous aurez la chance d'avoir pour vous la gentillesse de ceux qui vous entourent. Poisson, un manque de communication pourrait conduire à de sérieuses erreurs. Grâce à votre volonté de rester ouvert, le pire peut être évité. Bonne journée et rendez-vous demain à la même heure pour votre horoscope. C'était votre horoscope avec votre opticien Open Optique, 11 rue Pierre Corneille aux Andelys, 02 32 51 38 69. Morning Light sur Espace. Cédric vous file le contrôle de la radio. C'est l'événement du jour. Et ce week-end, nous allons du côté de Delincourt, tout près de Gisors, pour une journée complètement festive ce samedi 23 juin. Les détails maintenant avec la sauce Delincourt Animation et j'appelle Sandra la présidente. Allô. Salut, elle est là Sandra, comment vas-tu ? Bien et toi Cédric ? Ça va très bien. Alors ce samedi 23 juin, on vient à Delincourt tout près de Gisors pour une journée festive, gros programme. Qu'est-ce que vous nous avez réservé ? Oui, effectivement, nous vous attendons nombreux samedi 23 juin. La journée se déroulera en deux temps. À 16h devant la mairie, la SRJ vous propose une rando de 12 km 300 sur les 4 villages de la vallée du Réveillon. Gratuite et ouverte à toutes et tous. Un apéro bucolique vous sera offert sur le parcours, à consommer avec modération. Puis, à partir de 19h30, Delincourt Animation vous accueille sur le parking de la mairie avec restauration, buvette et animation par un DJ. À la tombée de la nuit, nous embraserons la pyramide et finirons la soirée en musique. Très bien, écoute, ça donne envie. En plus, c'est bien expliqué. Si on veut plus d'informations, on contacte qui ? Alors, il y a deux numéros pour les renseignements. Pour la rando, il faut composer le 07 60 27 59 12. Et pour la soirée, c'est le 06 03 52 30 37. Tout ça de Delincourt samedi. Merci Sandra. Merci Cédric, bonne journée. Écoutez sur Espace les meilleurs souvenirs. Back in time. passe, l'actu en Normandie. Bonjour à tous. Après les propos discriminatoires de la responsable du service des adoptions au conseil départemental de Seine-Maritime lors d'un reportage de nos confrères de France Bleu Normandie en début de semaine, Pascal Martin a, à titre conservatoire, relevé de ses fonctions hier l'agent qui avait déclaré que les couples homosexuels, des couples atypiques, devraient se diriger vers l'adoption d'enfants atypiques. Par ailleurs, je vous rappelle qu'une plainte d'association des familles homoparentales a été déposée, un audit externe a été déclenché et Jacques Toubon, le défenseur des droits, s'est aussi saisi de l'affaire. Depuis le début de l'année, le département de l'Eure connaît un afflux considérable de mineurs non accompagnés au rythme de 13 mineurs par semaine. Il s'agit de jeunes de moins de 18 ans privés temporairement ou définitivement de leur détenteur d'autorité parentale sur le sol français, sans autre membre de leur famille susceptible de les prendre en charge légalement. En 2017, 218 jeunes ont été pris en charge dans l'Eure, mais l'augmentation en 5 ans entre 2012 et 2017 est vertigineuse, plus 1450%. Depuis le début de l'année, ces arrivées impliquent un budget de plus de 5 millions d'euros. Quelques ballons perdus, des jeunes footballeurs de près d'Évreux, échoués dans le champ du voisin comme point de départ d'un conflit entre le club et l'agriculteur. La tension est montée d'un cran depuis que l'exploitant agricole attend désormais l'entraînement des moins de 15 ans tous les mercredis pour pulvériser des produits dans son champ. Les parents sont inquiets. Selon la loi, l'arrêté de 2017 interdit la pulvérisation à moins de 5 mètres des cours d'eau, mais rien n'est prévu pour protéger les populations riveraines. Depuis le 19 mai dernier, un collectif baptisé La Garenne occupe un ancien EHPAD rue du Hameau des Brouettes. Derrière le centre commercial Saint-Sever, 160 personnes, des sans-logis, des migrants ou encore des personnes en précarité occupent l'établissement désaffecté. La ville a demandé au tribunal un jugement d'expulsion. Le procès doit se tenir aujourd'hui. Dès le début de l'occupation, les résidents avaient prévenu si l'expulsion devait être ordonnée, d'autres lieux à Rouen pourraient être occupés. En Russie, à la Coupe du Monde de football, après leur victoire au forceps face à l'Australie, deuxième match des Bleus. Aujourd'hui, l'équipe de France rencontre le Pérou, ce soir à 17h, dans l'effectif un Norrois, Ousmane Dembélé, qui a grandi à la Madeleine à Évreux. C'est là, au pied du bâtiment Cévennes, à Kamed Wabi, formateur au club du quartier de l'ALM, devenu aujourd'hui Évreux FC 27, a découvert le jeune Ousmane. Il avait quoi, 6 ans? Et puis là, je l'ai découvert, elle était en train de s'amuser, jouer avec ses copains dans un terrain vague. Ses touches de balle, c'était un petit peu supérieur par rapport à ses copains quoi, avec qui jouer. Je dis, est-ce que ça t'intéresse de jouer dans un club? Et je dis, ouais, si je vais jouer, est-ce qu'on a un arbitre, on est une équipe, on est habillé pareil, tout ce que tu auras tout ça. C'est avec son cousin et sa mère qu'il débarque au club pour passer les épreuves de détection. Ousmane Dembélé est un joueur assidu aux entraînements du mercredi pendant lesquels il se révèle. Mais il avait toujours, même son propre ballon, il avait le capable à l'école et puis le ballon dans l'autre bras. Tous les 6 mois, on fait une dérogation qui passe avec avec une équipe supérieure, quoi. Donc souhaiter qu'il ne se blesse pas parce que lui, il n'était pas épais, hein, il était toujours comme on le voit maintenant. Une silhouette mince, on l'appelait même des fois moustique. France-Pérou avec les Brésiliens Ousmane Dembélé, c'est ce soir à 17h. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour cette première journée de l'été, une grande et belle journée ensoleillée. En revanche, le thermomètre faiblit seulement à 17 degrés l'après-midi sur Gournay-en-Bray ou encore Beauvais et Bernay, 18 sur Pont-Audemer, Évreux, Rouen et les Andelys et 19 degrés sur Louviers, Vernon et Gisors. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. On fait la musique dans le morning en ce jour du 21 juin, avec El Professeur à 6h35. Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. We'll be right back.

veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. C'était Kenji Girac, Malia, Malia. Nous étions en direct mardi de la Ludo Médiathèque du Vexin Normand. Nouvel établissement culturel que je vous conseille tout particulièrement de visiter. On retrouve les sorties juste avant Louane, le nouveau No et Kimsey. Prends ton temps. Espace, la sélection Espace. Salut à tous, vous sortez cette semaine en Normandie et au Picardie et par exemple vous allez pouvoir aller du côté de Gournay qui organise ce samedi 23 juin comme chaque année l'opération Gournay en Bray, ville propre. Rendez-vous à 10h place Alain Carman au local des scouts ou au gymnase de l'Aulnay. On vous attend nombreux, donnez un peu de votre temps pour votre ville. Info Gournay, trait d'union en, trait d'union Bray.fr. Ce samedi 23 juin de 11h à midi, petite histoire pour bébés curieux. Dans un cadre doux, calme et chaleureux, Marie-Noël Olivier de l'association Animation Lecture Plaisir proposera aux enfants de 0 à 3 ans une lecture d'album. Rendez-vous à la médiathèque de Pont-Audemer de 11h à midi, 02 32 56 46 99 pour les infos. Et puis le soir à partir de 18h, rendez-vous du côté de Delincourt pour une journée complètement festive. Vous allez courir, marcher et profiter dès 19h30 du grand feu de la Saint-Jean, organisation de l'association Delincourt Animation. Vous aussi, vous organisez des événements en Normandie et en Picardie. Faites-le savoir. Pour cela, appelez le 0950 35 50 50. C'est gratuit, vous laissez un message, vous avez 30 secondes et vous entendrez cela chez Ludo du lundi au vendredi entre 17h et 19h dans l'After School. On vous attend. Pour le moment, retour des sons et des tubes de la plus normande des Picardes et Radio. À bientôt. Souffrir, j'essaie de nous retenir. Courir, s'enfuir, je l'ai pas vu venir. Oh non, non, non. Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau. Regarde comme la nuit tout devient beau. Le monde est si haut quand le vent devient chaud. Je sais tellement tout ce qu'il nous faut. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Moi je vais me battre pour toi et moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Moi je ne vais pas. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Mentir, en finir, j'essaye de nous appartenir. Salir, s'abstenir, plutôt mourir. Oh non, non, non. Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau. Regarde comme la nuit tout devient beau. Le monde est si haut quand le vent devient chaud. Je sais tellement tout ce qu'il nous faut. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Moi je vais me battre pour toi et moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Moi je ne vais pas baisser les bras. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout de nous. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh Espace. Redécouvrez les tubes de la décennie 90. Espace 90s sur Espace. Dans une heure, vous allez peut-être pouvoir gagner vos accès, vos passes, 3 jours pour Rock in Évreux du 29 juin au 1er juillet à l'Hippodrome de Navarre. Pendant 3 jours, DJ Snake, Feder, Synapson, Asaf Avidan, Catherine Ringer, iPhone, Martin Solveig, Dadju ou encore Kyo. Oui, c'est possible, sur scène à Évreux, Hippodrome de Navarre du 29 juin au 1er juillet. Et vous allez gagner vos accès dans tout pile une heure au 0950 35 50 50. Maintenant, Daft Punk, autour du monde, Around the World. Du stade René Tomasini aux Andelys, comme partout en Normandie, en Picardie, que l'on se réveille ce matin. 7h l'info. L'essentiel de l'actualité, Philippe Fournier. Bonjour, bonjour à tous. Le drame a eu lieu le 12 juin dernier. Un Ghanéen de 19 ans s'est suicidé par pendaison au centre d'accueil et d'examen des situations de Croisille dans le Pas-de-Calais. Un signe, selon Médecins du Monde, que les souffrances psychologiques des migrants sont réelles. L'enquête sur la mort d'un petit garçon de 5 ans dans la chute d'un ascenseur dans un centre commercial à Argenteuil avance. Et 2 semaines après le drame, les circonstances du drame sont plus claires. Un rapport d'expertise indique notamment que l'ascenseur connaissait des défaillances techniques. 6 mois après la mort de Naomi Musenga, dont l'appel de détresse avait été raillé par une régulatrice du SAMU de Strasbourg, un rapport de l'IGAS a pointé une série de dysfonctionnements dans cette affaire qui avait bouleversé la France, entraînant la démission immédiate du responsable du SAMU. La procédure générale de régulation appliquée par le SAMU au moment du décès fin décembre de Naomi n'était pas conforme aux recommandations de bonnes pratiques et source de risque pour les patients, souligne l'inspection des affaires sociales dans ce rapport publié donc hier.

Jeudi 21 juin, fête de la musique et aussi du PFI, le pile ou face de l'info côté pile, l'heure avec toi Solène. Ou alors face, c'est peut-être la scène maritime avec Alexandre, pièce de 20 centimes prêtée par Dorian. Elle est tombée par terre. Solène, c'est bon, toi t'es là. On t'écoute, donc c'est le département de l'heure. Oui Cédric, ça se passe dans le département de l'Eure, mais c'est un peu plus global que ça. À l'instar du concept de la Loire en vélo qui se gargarise aujourd'hui avec 800 000 passages annuels, la construction d'un véloroute qui reliera en 2020 Paris à la mer en passant par la vallée de Seine est en cours de construction dans l'Eure. En 2016, l'association des départements de l'Axe Seine s'est formée pour fédérer 6 départements de région parisienne et de l'estuaire autour de ce projet d'écotourisme, la Seine à vélo. Dans l'Eure, un premier tronçon de 30 km est en train de voir le jour le long des boucles de Seine pour relier Giverny, deuxième site touristique de Normandie après le Mont-Saint-Michel, à Vernon et aux Andelys. Les premiers kilomètres de cet axe sont inaugurés ce jeudi 21 juin à Vernon à 17h30 en présence du patron du Tour de France, Christian Prudhomme, également de la partie Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire et qui a porté ce projet alors qu'il était président du département de l'Eure. Mais ce PFI nous emmène aussi dans le 76 et le Calvados. Surprise, il faut savoir qu'à l'origine le parcours se contentait de relier la capitale au Havre sur 390 km, mais compte tenu des complémentarités entre le nord et le sud de l'estuaire, le tracé propose dès l'embouchure un accès aussi vers Honfleur, prolongé jusqu'à Deauville. De l'info, des bons plans et de la bonne humeur, le Morning Light avec Cédric et toute sa team. Tous les matins, 6h-9h sur Espace. J'accourais, si tu te noies, je serai ta bouée. Oh bébé, dis-moi ton secret pour m'avoir autant secoué. Car à toi, je suis voué, chez toi la bouée. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise? Avec toi, prends tes valises, que l'on officialise, toi et moi. Tu réalises que rien ne rivalise? Avec toi, prends tes valises, que l'on officialise, toi et moi. Sois pas hostile, étonne ton fun. T'as pas de mentir, j'suis plus personne. Mes jambes vacillent, mon cœur résonne. T'as l'air in, t'as l'air on. Un peu coquine, mais loin d'être conne. Je te taquine, pour que tu déconnes. Comme Anakin, viens on décolle. Et à ce qui paraît, j'suis pas assez bien pour être ton homme. Ouais, à ce qui paraît, tu n'aimes pas quand les mecs te collent. Et à ce qui paraît, tu es plus rouge quand t'es seul. Mais laisse-moi être. Qu'est ce que je ressens depuis des mois. Allez pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne-moi. Le fait que le verbe n'est moyen lorsque je suis près de toi. Car personne ne t'arrive à la cheville. C'est avec moi que je veux faire ma vie. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi prends tes valises, que l'on officialise, toi et moi. Tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi prends tes valises, que l'on officialise, toi et moi. Tu réalises, prends tes valises, tu réalises, prends tes valises, tu réalises. Espace, le son revient juste après ça. Tu réalises à l'instant, c'était Kinvé, il est 7h43 et rendez-vous pour Branche et Ciné, du ciné dans la forêt de Louviers à partir de ce 20 juin. Pause et Caméléon, no, no, no. Écoute ça. Écoute ça. C'est frais. C'est frais. Écoute.

Il n'en reste pas moins que selon leurs itinéraires, certains de nos auditeurs sont un peu plus concernés par les difficultés, notamment s'ils se rendent sur l'agglomération rouennaise. Ce matin, les difficultés se concentrent d'abord sur la Sud 3 à partir du Grand Quevilly, également des ralentissements au niveau des accès par le boulevard industriel et par la route de Paris à hauteur de Saint-Adrien. Difficultés au niveau du pont Mathilde, de la place Saint-Paul et de la sortie du tunnel de la Grand-Mare, mais également au niveau du croisement entre le pont Guillaume le Conquérant et les boulevards rive droite. Plusieurs tronçons sont fermés à la circulation, notamment l'avenue Jean Rondeau. Sur le réseau autoroutier, des difficultés sont également à noter pour quitter l'agglomération rouennaise au niveau de la jonction A13 à 139, également au niveau de l'échangeur 20 de Cricbeuf-sur-Seine avec des bouchons qui proviennent comme toujours de Pont de l'Arche. Sur le réseau secondaire, petit ralentissement sur la N154 à hauteur d'Aquigny en direction de Deauville-sur-Eure. Rien à signaler à Évreux. Cette émission est pour tout le monde, les bobos, les pas bobos, tout le monde. Solène, à tout à l'heure. Oui, même les gens pas beaux tout court. Eh oui. 88.6, la plus normande des radios. La plus normande, espace radio. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué. Je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes sages, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey. Les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Rock in Évreux du 29 juin au 1er juillet avec, attention, DJ Snake sur scène, Feder, Synapson, Martin Solveig, Dadju, Kiyo, Bébé Brune, j'en passe et des meilleurs. Et vos accès 3 jours à gagner juste après Sound of Legend, What a Feeling. C'est comme ça le Morning Light. We'll be right back. Écoutez, un pur 190. Espace. Le Morning vous offre votre accès 3 jours pour aller au festival Rock in Évreux du 29 juin au 1er juillet pour aller voir DJ Snake, Les Négresses Vertes, No Was In Innocent, Feder, Synapson, Asafa Bidane, Catherine Ringer, iPhone iPhone, Martin Sebeck, Dadju Kyo. Appelez maintenant le 0950 35 50 50. C'est comme ça chez nous. Fête de la musique, jeudi 21 juin 2018, vous vous réveillez et il est 8h, c'est l'info. L'essentiel de l'actualité, Philippe Fournier. Bonjour à tous. Les premiers effets de la 17e séquence de grève de 2 jours sur 5 à la SNCF, programmée donc pour les 22 et 23 juin contre la réforme ferroviaire, se font sentir dès ce soir 20h. Il ne faudra pas compter sur un calendrier de grève précis. Hier en fin d'après-midi, la CGT Cheminots a fait savoir qu'elle appellerait régulièrement à la grève sur les mois de juillet et août, soit en pleine période estivale. L'organisation syndicale a précisé que les dates de ces jours d'appel à la grève seront dévoilées au fur et à mesure en fonction de l'avancée ou non des négociations qui doivent avoir lieu sur les suites de la réforme ferroviaire, réforme qui a été votée le 14 juin par les parlementaires. Également dans l'actualité, le système alimentaire mondial revêt des disparités de plus en plus criantes. Agriculteurs et producteurs en France et dans le reste du monde gagnent toujours moins depuis 20 ans alors que la grande distribution accumule les bénéfices. C'est ce que dénonce l'ONG Oxfam dans une étude internationale publiée ce jeudi. L'enquête sur la mort d'un petit garçon de 5 ans dans la chute d'un ascenseur dans un centre commercial d'Argenteuil avance. Et 2 semaines après la tragédie, les circonstances du drame sont plus claires. Un rapport d'expertise indique notamment que l'ascenseur connaissait des défaillances techniques. 6 Français sur 10, 61%, jugent la politique migratoire et d'asile de la France trop laxiste, selon un sondage publié hier, alors que le projet de loi asile et immigration est examiné au Sénat sur fond de crise de l'Aquarius. Face à la multiplication des critiques autour de la question des enfants séparés de leurs parents sans papier à la frontière américaine, Donald Trump a signé un décret pour mettre fin à ces séparations à la frontière. Rassuré après un match sans saveur contre l'Australie remporté 2-1 dans la douleur, les Bleus doivent rassurer ce soir face au Pérou. Rendez-vous à 17h. Danois et Australiens vont croiser le fer à 14h, tandis que l'Argentine et la Croatie vont s'affronter ce soir à 20h. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h-9h. La fête de la musique et la fête de Johanna aussi à 8h20 pour l'actu originale. Et David Guetta s'y a maintenant, c'est coup de Flames. Morning Light sur Espace. Stop moving, go, go, go. Figure it out, you get.

Depuis le début de l'année 2018, le département de l'Eure connaît un flux considérable de mineurs non accompagnés, au rythme de 13 mineurs par semaine. Il s'agit de jeunes de moins de 18 ans privés temporairement ou définitivement de leur détenteur d'autorité parentale sur le sol français, sans autre membre de leur famille susceptible de les prendre en charge légalement. En 2017, 218 jeunes ont été pris en charge dans l'Eure, mais l'augmentation en 5 ans entre 2012 et 2017 est vertigineuse, plus 1450%. Suite de l'information dans moins d'un quart d'heure. Une info originale, c'est Johanna. Jeudi 21 juin 2018, c'est la fête de la musique et c'est surtout la fête de Johanna. Bonjour pour l'actu originale. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Bon alors rien à voir avec la musique, on va parler de l'eau, de l'océan. Quoique c'est une belle musique à écouter, la mer parfois. Oh là là, il est lourd, ce type est lourd. Cédric, tu es lourd. Tes lancements sont de plus en plus lourds quoi. Ouais, ce n'est pas grave. Nos amis normands. Nos amis normands habitant sur les côtes normandes ont dû être au courant ce week-end, donc le week-end dernier, d'un coefficient de marée très important en Normandie. Plusieurs plages ont été touchées, c'est-à-dire qu'il y a eu des grandes marées, la mer est montée très haute. Et justement, en voyant cet article de nos confrères de 76 Actu, je me suis posé la question. Qu'est-ce que le coefficient de marée, Cédric ? Mais je vais te poser une question. Mais qu'est-ce que le coefficient de marée, Cédric ? Alors, le coefficient de marée donne une indication du marnage, c'est-à-dire